On va parler de football. On fait le tour des collèges, dans la région et de nos joueurs dans le secteur de Dolbeau, de Saint-Félicien et de Roberval pour voir un peu comment ils s'alignent avec leurs différents collèges. Et la semaine passée, on a parlé avec le cégep de Chicoutimi. Là, maintenant, on va parler avec le cégep de Jonquière. On va parler avec l'instructeur-chef François Laberge. Bonjour, François. Oui, ça va bien, ça va bien. Oui, François, on va faire un peu le tour des différents collèges. Au cégep de Jonquière cette année, quel genre d'équipe que vous avez? On a une belle équipe. On a une équipe qui est assez mature. On a des bons vétérans. La troisième année, qui donne le ton à l'étudiant qui arrive. On a une équipe à maturité, donc on a des bonnes aspirations. En 2016, on a des commençants, on a des victoires, une défaite, et il reste encore beaucoup. OK. Est-ce que c'est une équipe jeune, une équipe qui va progresser, plusieurs vétérans? Bon, on a un bon balance des deux, c'est-à-dire que j'ai 15 joueurs de première année. OK. J'ai environ 10 joueurs de deuxième année, puis à peu près 10, une douzaine de joueurs de deuxième année, puis une douzaine de joueurs de troisième année. Là. Donc, on a une équipe avec des bons vétérans. Des équipes balancées pas mal. Donc, on a 28 joueurs qui peuvent être de retour en 2017. Puis, on est 41 joueurs dans toute l'équipe. Donc, c'est le fun quand même, là, parce que vous êtes pas on peut dire que vous êtes en rénovation, mais vous n'êtes pas en reconstruction toujours, là. C'est le fun parce que ça va progresser tout le temps. Puis, de la manière que votre équipe est organisée, ça va compétitionner pour longtemps. Là. Ouais, ben il faut s'arranger parce que nous, la particularité qu'on a à Jonquière, c'est qu'on a, ben cette année, ça commence. Mais on n'a aucun football juvénile dans notre ville. Donc, moi, sur mes 41 joueurs, j'ai deux joueurs de Jonquière, ça. OK. Ça vient de quoi, Alma? Ça vient de Saint-Félicien? Ben, écoute, on va toucher un peu partout, là. Ça vient de Alma, le Haut-du-Lac, beaucoup aussi, Chibougamau. Ensuite de ça, on a un petit peu à l'Abbé, Chicoutimi. On a également aussi à Québec, aussi, la région de Québec, le Charlebourg, Lévis. Tout ce coin-là, j'ai plusieurs joueurs qui viennent du coin de Québec. Ah, c'est bon pareil, là. Est-ce que tu vois ça comme comme quelque chose qu'on devra travailler pour amener une équipe civile juvénile dans à Jonquière? Parce que je suis parfaitement d'accord avec toi, Danny. On a commencé à travailler très fort dans les dernières années là-dessus. Puis cet automne, justement, pour la première fois des 10 dernières années, il va y avoir une équipe juvénile à Jonquière. Là. On relance la Ligue juvénile à 8 régionales, c'est-à-dire qu'il y avait Chibougamau, Charles-Tavel, qui n'ont pas fait de saison l'an passé parce qu'ils étaient les deux seuls clubs à vouloir s'inscrire. Et nous, cette année, on fait un club de la commission scolaire de la Jonquière et on relance la Ligue. C'est-à-dire qu'il va y avoir une équipe à Jonquière, l'équipe des Faucons de Chibougamau et l'équipe des Cyclones de Charles-Gravel qui vont jouer 4 matchs de saison régulière plus un format de séries éliminatoires. Donc, c'est bien parce qu'on rajoute 3 équipes de plus dans un coup au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui, l'automne passé, en comptait seulement 3, une à Saint-Fé, une au PWD à Alma, puis une avec les Mustangs de Dominique Cassier. C'était difficile. Hein? C'est difficile dans la région parce qu'il n'y a plus de Ligue civile. Tu vas me dire que ça n'a pas de lien, mais ça en a un pareil parce qu'il passe pas mal tous les mêmes joueurs qui sont là. Là. Ça devient difficile aussi là, pour la région. Là. Ouais, ben c'est très difficile. On a une baisse un petit peu au niveau de. Ouais. Ben je pense que ça vient avec la démographie beaucoup aussi. Il y a moins de jeunes. Il va y avoir un boom dans quelques années, mais présentement on fait affaire avec moins de jeunes dans les polyvalentes, moins de jeunes dans les écoles primaires, donc automatiquement ça s'en ressent en termes de nombre de jeunes qui pratiquent le football. Est-ce que les commotions cérébrales, les histoires, c'est le football, ça n'a pas une belle publicité. Penses-tu que ça a pu nuire aussi au développement du football en région? Sûrement, hein? Ça peut peut-être nuire un petit peu, mais je te dirais que maintenant, quand... Moi, je gère aussi le programme des mini-gaillards, là, c'est-à-dire 4e, 5e, 6e année, puis on a tellement resserré les règles au niveau des coups à la tête, là. La façon qu'on explique aux jeunes maintenant comment frapper, la priorité, c'est de protéger ta tête toujours. On lui dit toujours que le casque, maintenant, il sert à protéger ton beau visage. Ça sert pas à frapper l'adversaire. Donc, on est hyper... Ça devient... Puis même les arbitres, maintenant, sont rendus intolérants là-dessus. Dès qu'un joueur initie un contact avec son casque, c'est 15 verges de pénalité. Donc, je pense que c'est un petit peu de désinformation qui devrait se corriger parce que si je regarde, moi, avec les mini-gaillards, ça fait 6 ans que je gère le programme. on n'a eu aucune commotion cérébrale en 6 ans. Dans toute l'histoire, il n'y en a jamais eu non plus. OK, OK. C'est sûr qu'il y a des protocoles aussi, il faut le respecter. Exactement. Ouais. C'est une question de changement de mentalité. Dans mon temps, s'il n'y avait pas de contact casse à casse en pratique, les entraîneurs nous faisaient recommencer jusqu'à temps qu'ils entendent un son de casse à casse. Ouais. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Là, la mentalité a changé. La protection des joueurs. Puis nous, au Cégep de Jonquière, on a un protocole hyper serré avec des commotions cérébrales. C'est-à-dire qu'on fait passer le SCAT-2, qui est le test pan-canadien pour valider les notions mentales de nos joueurs avant les premiers contacts du camp. Si jamais il y a un contact à la tête sévère, ben, il doit refaire son SCAT-2, vérifier si les résultats se ressemblent. Il y a un suivi avec les physios, puis un retour très serré, progressif au jeu, c'est-à-dire que commencer par simplement faire du vélo stationnaire pendant 30 minutes, s'il n'y a pas de symptômes, ben, le jour 2, il peut faire 45 minutes, le jour 3, c'est une heure, après ça, c'est de la course pendant 30 minutes, et ainsi de suite jusqu'à son retour au jeu complet. Donc, on voit. Hey, parle-moi des équipes, des joueurs du secteur de Dolbeau et Sassigny. J'en ai vu un passer, Simon Gagnon, entre autres. Oui, Simon qui est de Dolbeau, qui est un de nos bons joueurs cette année. Là, Simon qui est en deuxième année, un excellent demi-défensif et très, très bon là, dans les meilleurs de la Ligue, selon moi. Simon, c'est un super athlète. Il a fait du patin de vitesse dans le haut du lac. Il a été très bon aussi dans ce niveau-là. C'est un petit bonhomme qui est extrêmement rapide, qui a des bonnes cuisses, comme on aime avoir des bons joueurs de foot, là. Donc, ce qui fait qu'il est hyper solide. Puis moi, on va beaucoup chercher des joueurs au programme des Centurions de Saint-Félicien, là, qui est pour nous, comme on peut dire, une vache à lait qui a pallié au fait qu'on n'avait pas de football juvénile à Jonquière. Je te dirais que ça fait 9 ans que j'étais avec les Gaillards. J'ai dû coacher une trentaine de centurions facilement. OK. Donc, il y a une lignée, c'est facile. Les 30 joueurs, à quelque part, ils sont une référence pour les joueurs qui veulent que tu veux recruter aussi. Là. C'est une belle référence aussi. Là. Exactement. Puis, on travaille étroitement avec l'entraîneur-chef Kevin Tremblay aussi, qui est à Saint-Félicien, qui fait du gros boulot. Kevin, qui est un ancien gars de hockey, qui s'est mis à temps plein dans le football puis qui devient meilleur à chaque année. On travaille beaucoup avec lui, puis on adore ses joueurs. Vraiment, les joueurs de Saint-Félicien arrivent avec une super éthique de travail. C'est des gars qui veulent apprendre, qui ont une bonne éthique de travail, puis qui sont toujours prêts, qui font passer l'équipe avant tout. C'est des gars d'équipe aussi. On en a plusieurs. On a Marc-Olivier Tanguay qui vient de Saint-Édouard. Okay. On a Antoine Routier qui vient de Robertval. Philippe Lapierre vient de Saint-Félicien. Louis Girard Séguin de Robertval. J'ai aussi Marc-Alexandre Ouellette qui vient de Saint-Félicien, mais qui a joué dans la majeure partie à Chibougamau, mais qui est un gars originaire de Saint-Félicien. Puis on a Gabriel Morin sur notre ligne à l'attaque aussi, qui est un jeune de Saint-Félicien. La majorité de ces joueurs-là, ont évolué avec les Centurions. OK. Donc, tu les utilises de quelle façon? Régulier, la plupart? Écoute, quand on va en recrutement, c'est toujours les études avant tout. Là. Je veux dire, c'est des étudiants-athlètes. Donc, tu sais, l'an passé, à Saint-Lucien, il y avait des joueurs que je voulais, mais leur programme d'études se donnait pas à Jonquière. Donc, dans ce temps-là, il faut, comme athlète, comme entraîneur, t'as pas le choix d'accepter ces choix-là. Mais à chaque année, on est assez agressif sur le haut du lac, parce que pour nous, c'est des jeunes qui performent quand ils arrivent à Jonquière. Donc, on sait ce qu'on va avoir. On a des jeunes avec du caractère, des jeunes qui rentrent dans l'équipe aussi facilement, qui s'intègrent facilement auprès de l'équipe, qui sont aimés de leurs coéquipiers aussi. Donc pour nous, ça, c'est clair que c'est quelque chose qu'on veut. Puis écoute, j'ai joué au printemps, je vais toujours faire 2-3 pratiques avec Kevin. Je monte une fois par semaine, je vais coacher là-bas les jeunes, on aide les entraîneurs aussi. On amène des cahiers de jeu aussi pour élaborer leur stratégie. Donc c'est sûr que Saint-Félicien, pour moi, c'est devenu un incontournable pour les Gaillards du Cégep de Jonquière. OK. Si la rivalité avec parce que j'ai parlé la semaine passée avec les Cougars de Chicoutimi, il y a une rivalité Jonquière-Chicoutimi. Est-ce qu'il y a une rivalité aussi au football? J'imagine que oui, hein? Ben oui, il y a une rivalité. Écoute, dans mon temps, moi, Chicoutimi n'existait pas. OK. Là, Chicoutimi existe. Donc c'est sûr qu'au Saguenay, les deux équipes qu'il y a au Saguenay sont sur le territoire de Chicoutimi. Donc, nous, il faut travailler encore plus fort pour essayer d'attirer des joueurs, parce qu'il y a Dominique Racine qui est directement dans la cour du cégep de Chicoutimi, et il y a Charles Gravel qui est à Chicoutimi-Nord, qui couvre toute la rive nord du Saguenay. Donc, pour nous, c'est plus difficile d'aller en chercher. C'est pour ça que la relance du football à Jonquière était primordial. Puis il y a également le haut du lac là avec Saint-Félicien, Chibougamau, où on a réussi dans les dernières années à aller chercher d'excellents joueurs là-bas qui nous ont aidés à maintenir notre organisation puis à avoir quand même du succès. Mais c'est sûr que je te cacherai pas qu'à trois équipes, on est trop dans le bassin. Si on prend l'Outaouais, 12 équipes juvéniles pour une équipe collégiale. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'automne passé, on avait 3 équipes juvéniles pour 3 collégiales. Je suis pas un mathématicien, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas. OK. Ben, évidemment, les cégeps font ça pour recruter aussi. Là. Recruter des étudiants, c'est payant. C'est attractif. Ça amène des étudiants, donc c'est pour ça que le cégep de Chicoutimi a voulu son équipe. Donc, c'est normal un peu pour eux, c'est clair, mais je sais pas si... À un moment donné, il ne faut pas mettre un frein à ça pour le développement du sport dans la région parce que ça devient difficile de jouer à 50 joueurs. Puis souvent, c'est un sport qui est très exigeant. Donc, quand tu joues à moins de 30 joueurs, selon moi, tu mets encore plus la santé de tes jeunes en danger. Effectivement. Ben, François, on va te surveiller de près. On va te rappeler d'ici la fin de l'année puis pour avoir un peu le bilan de nos jeunes d'ici. Excellent, ça va toujours nous faire plaisir. François Laberge, l'instructeur de football des Cougars du Cégep de Jonquière.